Chapitre 6e. Le dernier train était parti depuis plusieurs heures. Lorsqu'il atteignit la gare, pour la première fois, il songea au devoir qui réclamait là-bas sa présence. Quoi ? Quand la cloche sonnerait le lendemain matin pour appeler les fidèles à la messe, l'hôtel resterait abandonné ? Sonnez-moi, attirait déjà l'attention. Il voyait des regards curieux fixés sur lui. Il entendait des chuchotements malveillants. Il alla, le rouge au front, conter son embarras et sa faute aux employés de la compagnie. C'étaient de bonnes gens qui vinrent à son aide. Ils lui indiquèrent un itinéraire qui lui permettait, au prix d'une nuit blanche, de regagner à temps le village. Il fallait voyager jusqu'à l'aurore, s'égarer dans d'inextricables détours, changer 10 fois de convoi, subir d'interminables attentes. Il entreprit, sans hésiter, cette odyssée nouvelle. Pendant la route, la fatigue physique, jusque-là combattue par l'excitation des nerfs, finit par le terrasser, endormit peu à peu ses douloureuses agitations, ne laissant subsister, au milieu de ses rêveries somnolentes, que le souci poignant du retour. L'aube commençait à étendre sur le ciel une pâle clarté, au moment où il frappa à la porte du presbytère. Mademoiselle Françoise avait veillé, en proie à de mortelles angoisses. Ses démonstrations affolées l'attendrirent. Il pleura, et ses pleurs furent pour lui un soulagement. Il lui dit en 2 mots le succès de son ouvrage, expliqua tant bien que mal la distraction qui le fait oublier l'heure du train, s'empara des clés de l'église, et sans vouloir prendre un repos bien gagné, alla s'y enfermer. Le sacristain, en venant ouvrir les portes, le trouva agenouillé sur la marche de pierre qui séparait le chœur de la nef. Il était là depuis 1 heure, sans prier, rêvant, regardant fixement les murs blanchis entre lesquels s'était concentrée sa vie, écoutant les bruits lointains de la campagne qui se réveillait. Mademoiselle Françoise attendait impatiemment à la cure que la messe fût dite. Elle n'était qu'à demi rassurée par le court récit qu'il lui avait fait. Mais comme il quittait la sacristie, on vint l'avertir que la Margotte réclamait sa présence, qu'elle était au plus mal. Il s'éloigna avec le messager. Il ne reparut que vers midi. Il avait le visage sombre et défait. « Morte ?» demanda Mademoiselle Françoise. « Moribonde. Elle n'a plus que quelques instants à vivre. Elle a perdu connaissance. Traverse le jardin. Va dire au sacristain qu'il sonne la prière des agonisants. « Quoi ? Pour cette Margotte ? Fais ce que je te commande et ne te mêle pas de juger ce qui n'est pas de ta compétence. » Elle partit en rechignant. Elle marchait péniblement, les côtes retroussées, jusqu'aux genoux, dans la boue des allées trempées par la pluie, exhalant sa mauvaise humeur en sourde plainte. « Bah, de quoi te plains-tu ? » murmura à son oreille la voix qui s'adressait quelquefois à elle, en de mystérieux colloques. « La Margotte s'en va, bon voyage !»« Voilà ton cher abbé délivré de son mauvais génie. Tu vas pouvoir ressaisir ton autorité et chasser de son esprit toutes les sottes idées qu'elle y avait introduites. Nargue de la charité chrétienne qu'il te prêche et qui n'est qu'une niaiserie, va faire sonner le glas, ce sera pour toi un carillon de fête. À ta place, au lieu de grommeler, je danserai. » La voix avait évidemment les plus mauvaises intentions et cherchait à l'induire en péché. Mais la voix disait des choses sensées en somme. Mademoiselle Françoise ne dansa pas, seulement elle marcha plus allègrement, et quand elle revint, sa commission faite, elle était presque souriante. Le spectre de la Margotte se dressant devant elle pour lui faire honte de sa joie, ne l'eut pas autrement épouvanté que le spectacle qu'elle aperçut en rentrant. René Marin était assis dans son fauteuil. Il avait jeté dans sa corbeille, dont les laines gisaient sur le plancher, irrévérencieusement bousculé, un tas de journaux dépliés dont il lisait au doigt des extraits. Il ne parut pas embarrassé, bien au contraire, il lui adressa la parole avec une amicale familiarité. « Vous arrivez à temps, mademoiselle Françoise. Asseyez-vous et écoutez. Je suis en train de lire à l'abbé les articles que les journaux de ce matin consacrent à son Holoferne. Ah, c'est un joli garçon, et je tiens à vous signaler sa conduite pour que vous le grondiez. Imaginez-vous qu'il a pris la fuite hier, qu'il me force de faire aujourd'hui un long voyage pour lui apporter les témoignages de son triomphe. Vous allez voir comment on le traite. Attention, je continue. » En toute autre circonstance, elle eût fait à ce discours incongru la verte réponse qu'il méritait. Elle eût tourné le dos à l'audacieux qui prenait avec elle de telles libertés. Mais le désir d'être éclairé sur les grands événements de la veille la retint. Et puis la disparition de sa rivale, qui lui laissait le champ libre, l'enhardissait, l'animait d'un beau courage. Elle s'installa à une distance respectueuse et prêta l'oreille. il lut 5 ou 6 articles qui, en des termes variés, saluaient en l'auteur inconnu de Lauferne le messie à qui semblait promise la succession des grands maîtres non remplacés de la musique dramatique. Il s'excitait en lisant « Voyez, c'est une victoire inespérée. Demain, tous les théâtres lyriques de Paris vont se rendre ouverts. Les directeurs seront à vos pieds. » L'abbé eut un faible sourire. « Vous me parlez de théâtre et d'opéra. Vous oubliez qui je suis. Tiens, c'est vrai, ma foi. Que voulez-vous? Je vous prends pour un des nôtres. Je me mets à votre place. Ou, pour parler plus exactement, je vous mets à la mienne. Que ne suis-je l'auteur de Lauferne, moi, à qui le théâtre n'est pas défendu, dont il est le but? Mais qu'importe. Si vous ne faites pas d'opéra, vous ferez des drames lyriques, des oratorios, car on attend de vous une seconde œuvre, on la réclame. » Il reprit sa lecture. Elle suivait de l'œil la transformation lente des traits de l'abbé, tantôt encore abattu, assombri par une contrainte pénible. Ainsi donc l'abbé était un homme de talent, presque un homme de génie. La surprise bouleversait toutes ses idées. Elle ne trouvait plus la force de s'indigner de la faiblesse avec laquelle il s'abandonnait à la grossière tentation de ses éloges et de ses conseils. La cloche aigrelette de l'église se mit en branle et commença à sonner le glas. L'abbé laissa tomber la tête sur la poitrine. Il croisa les mains dévotement. « La Margot se meurt. Prions pour elle. » « Rose Margot, ah la pauvre femme !» Et sur cette courte oraison funèbre, René Marin voulut continuer, mais l'abbé l'arrêta. « C'est inutile, brisons-la. » Il ne restait plus rien de l'animation passagère qui avait un instant chassé de son front l'expression de désespoir apportée du voyage à Paris. On eût dit que cette sonnerie lugubre interrompait un rêve, qu'elle le rappelait à une dure réalité. Mademoiselle Françoise avait-elle eu un juste pressentiment? La Margot emportait-elle dans sa tombe la folie que, sans le vouloir, elle lui avait mise en tête? « Cette lecture est inutile, » reprit-il d'une voix grave, presque triste, répondant à l'étonnement muet de René Marin. « Nous perdons ici, vous et moi, un temps précieux. J'ai cédé, en faisant exécuter l'ouvrage, dont la composition avait amusé mes loisirs, à une fantaisie dangereuse. Je ne puis ni ne veux la prolonger. Que dites-vous? Vous ne vous ferez pas connaître? Non. Mais ce serait une absurdité. Ma résolution est irrévocable. Vous ne parliez pas ainsi hier, à l'heure où le succès était encore douteux. J'ai réfléchi depuis hier, j'ai été éclairé. Vos paroles sont plus obscures que celles d'un sphinx. Il serait inutile que je m'expliquasse. Vous ne me comprendriez pas. Encore une fois, ma résolution est irrévocable. Quoi? Tant d'efforts seront perdus? Une si grande victoire restera improductive? Elle ne le sera pas. Vous me disiez tout à l'heure que l'auteur de Lauferne verrait demain, s'il le voulait, tous les théâtres lui ouvrir leurs portes. Demain, vous serez l'auteur de Lauferne. Moi? Vous voulez que je signe votre œuvre? Je l'exige. Voyons, c'est une plaisanterie. Vous me croyez un honnête homme, n'est-il pas vrai? Savez-vous que vous me proposez là une chose honteuse? Des mots. Je vous laisse l'honneur et le profit d'un succès dont vous avez été l'ouvrier. L'œuvre est aujourd'hui à vous autant qu'à moi, puisque sans vous, qui l'avez fait vivre, elle serait ici dans l'obscurité d'un tiroir. Elle n'est plus qu'à vous. Je la renie, je veux l'oublier. On vous en attribue la paternité et les journaux que vous lisiez tantôt prononcent votre nom. Mon devoir me commande de démentir un bruit mensonger. J'écrirai aux journaux qu'ils se trompent. Vous ne ferez pas cela. Vous ne le ferez pas parce qu'il y a une femme que vous aimez et qui vous aime. Alice Cavalier? Quoi? Vous savez? Je sais tout. Elle m'a tout dit. On n'a pas de secret pour un prêtre. Un prêtre n'est pas un homme. René Marin, trop ému, ne remarqua pas l'amertume de ses paroles. Un silence s'était fait. L'abbé, par un effort énergique, parvint à dompter son trouble. « J'ai entendu hier la confession de celle dont nous parlons, » reprit-il avec une tranquillité voulue. « Il dépend de vous de lui donner le bonheur dont elle est digne. Recueillez pour elle les bénéfices de notre victoire commune, pour qu'elle accepte, sans crainte et sans remords, le mariage que son cœur désire. Puisqu'il m'est interdit à moi de les recueillir, qu'il ne soit pas perdu, qu'il fasse deux existences heureuses, ce sera ma consolation. Ne me la refusez pas. Vous trouverez dans la vie nouvelle qui s'ouvrira devant vous l'inspiration et le courage. Vous travaillerez. Avant peu, des ouvrages qui seront entièrement à vous viendront prendre la place de celui qui n'aura fait que leur ouvrir la voie et qui disparaîtra, dont le souvenir même s'effacera. » Un nouveau silence pesa, lourd, plein de gêne. René songeait. Non, cela ne se peut. Elle me défendrait elle-même d'accepter. Et puis, voulut-elle, encore serait-ce impossible. Je me déshonorerais à mes propres yeux. L'abbé se dressa. Son geste, sa voix, révélait une colère mal contenue. Ah, voilà le grand mobile, l'amour-propre. Et vous croyez aimer, faible cœur qui n'avait d'amour que pour vous-même et qui ne prenait de soucis que de vos vanités humaines. Mais savez-vous que si je pouvais aimer moi, que si j'étais de ceux qui peuvent avoir l'amour d'une femme, j'oserais tout pour conquérir ce sublime bonheur de la vie à deux. Savez-vous que j'aurais fait le sacrifice de tout ce qui m'est cher, de mon honneur de prêtre ? Il n'acheva pas sa phrase. Son regard venait de tomber sur la figure épouvantée de Mademoiselle Françoise, dont il avait oublié la présence, qui écoutait, bouche béante, image vivante de la consternation. Il lui fit un signe rassurant. « Laisse-nous, tante Françoise, plus tard tu reviendras. » Elle obéit docilement. Elle en avait assez entendu. Sa place n'était pas là. Ses discussions la terrifiaient. Elle alla, anxieuse, la tête perdue, s'asseoir sur une chaise de la cuisine. Des éclats de voix lui arrivaient de temps en temps et la faisaient tressaillir. Une clarté vague s'était faite dans son cerveau. Quand, au bout d'une heure, elle entendit partir René Marin, elle se précipita dans le salon. L'abbé, assis près de la cheminée où pétillait une haute flambée de bois et de papier, tisonnait avec fureur, jetait dans l'âtre par poignées les journaux parisiens laissés sur la table. « Eh bien ? » demanda-t-elle. L'abbé répondit froidement à sa question, sans attendre qu'elle la précisât. « Il persiste à refuser, mais demain il cédera, j'en réponds, car il l'aime. » Mademoiselle Françoise était debout devant lui, muette, dans une immobilité de statue. Elle voyait bien qu'il souffrait, mais elle se sentait impuissante à le soulager. Le souvenir des paroles qu'il avait prononcées en sa présence la poursuivait, la remplissait de pitié, lui donnait le soupçon d'un drame douloureux. Elle étendit la main vers une pile de journaux qui attendait l'autodafé, la dernière. « Grâce pour ceci, je désire lire ce que l'on dit de toi. » Il les prit et les jeta au feu. « Non, je ne veux plus, entends-tu bien, qu'il soit question de cela entre nous. Jamais. » La cloche qui s'était tue recommença le glas. Il regarda s'éteindre la flamme qui consumait les dernières feuilles, puis se retournant. « La Margotte est sans doute morte à cette heure. Nous l'enterrerons après-demain. Tu écriras tantôt à l'architecte de l'évêché pour qu'il vienne ici, à l'heure où l'enterrement sera terminé. » « Bah, en attendant, me chercher les plans que tu avais fait exécuter, nous les examinerons ensemble. »« Sauvé !» murmura-t-elle en joignant les mains. Il soupira. « Sois contente, nous ferons une belle église. Il faut bien que nous utilisions la fortune du cousin Jérôme. » Ainsi se termine La fortune du cousin Jérôme de Georges Vautier.